vers A, Youssef, Tournai, Toulouse, Wahran, frère. J'écris pour vivre et c'est tout frère. Sinon je m'étoufferais, j'ai beau me chauffer devant ma feuille, chaque 16 est tout frais. À la recherche de la vérité, je voudrais toujours la dire. J'ai beau me sentir seul pour l'heure, c'est pas ce que je veux t'écrire. Je veux décrire ma vie, marquer des points et mon époque. Rester vrai, même exposé à la lumière des spots. Faire kiffer les potes en fracassant des prods. À mes concerts, voir des meufs, des mecs, des adultes et des gosses. Faire des rencontres de fous, j'en ai d'ailleurs fait des tas. Un big up à ceux qui soutiennent, même ceux qui soutiennent pas. Tous ceux qui font qu'en ce moment leur rap se porte bien. Qui kiffe avec le cœur, même si dans la poche ça t'apporte rien. Aucun conseil à donner, mais écris seulement pour toi frère. Le fond ça vient du cœur, la forme elle n'est qu'éphémère. Que tu kiffes si c'était à refaire, je ferais le même. Ne que te boule le mot trop, ya, avec les crèmes même. Ya, ils critiquent ou fait jeune, espère de tes sports, c'est pas juste. On a sa claire, ou ton assez dans le fil en même piste. Fais-lui le goudron vers le plein crâne et t'as le birra. Mais ce rhum sombre, mais que tu boubles ma santé à Emira. Ou mais il dit ou drap, moi t'as ne t'mer mon fortra. Et je m'ai juste d'un sujet de caillard, y'a que le coup me le clef. Yeah, qui te sombre, tu hopes le football. Djibou ne belli, dira sombre, t'as ou 10 milliards. Koutou capable de sauver des familles et qui font trop noir. Koutou capable de sauver des enfants, ma fesse m'est hard. Aïe, prédit ma zia à l'carcassa. Mais par la loire d'où d'yakh, les chou qui t'a gagné le plaza. Ici rien ne m'inspire, honnêtement. L'impression d'être au bout de ma vie, à même pas 25 piges. Ici personne ne me comprend, donc je me pars loin, loin. Vive sereinement, je te laisse prendre ma main, viens, je t'invite. On crie pour se faire entendre, sauf que personne nous écoute. Toi, c'est nous, je parle de cette jeunesse qui a bien besoin de dire ce qu'elle pense. Ce qu'elle pense, ouais. Refraîchant que je vais canner si je maintiens ce rythme. Font les sourdes oreilles, ne voient que mon sourire. Ignore qu'à l'intérieur j'étouffe, je saigne. Le fait de vendre du rêve ne m'intéresse pas. Tu le saurais en écoutant rien qu'un titre. Genève, France, je représente cette jeunesse abîmée. Qui veut rien d'autre qu'une deuxième chance. À mon âge donne l'exemple. Car à défaut d'avoir beaucoup d'argent, je possède plein de principes. Pour ma part j'ai vite compris par mon daron et ses coups de ceinture à la face. Je voulais construire à la base, qu'on me comprenne ou pas. Laisse-moi sur mon nuage, loin de ceux qui entrent en guerre ou clash. À s'acharner, va donc savoir pourquoi on se tue à la tâche. Pourquoi je fais du rap, pourquoi je me fais du mal à croire que j'ai besoin de me torturer pour être sur moi et plus calme. Je suis pas de ceux que l'espoir a suivi, ceux qui disent prêts pour épouser le swag ensuite. Pourquoi tout ça, pourquoi je squatte en Suisse. J'ai fait sans poser de questions, si je vis sans projet je m'effondre. J'ai creusé les fonds, incompris je le suis. Surtout quand je parle encore de mes lésions. Et putain je revis quand j'entends ces jeunes chantant les maisons. Je me bute à la rime, pourquoi. Cherche pas à comprendre, je le jure. Si j'arrête demain je serai plus alarmiste. Contrôler mes sens, je rappe pour oublier pourquoi. Parce que j'écris tout ce que j'ai du mal à dire.